quand je faisais des débats, je disais que nous étions les disciples d'un juif allemand nommé Karl Marx. Mais même 2 ou 3 ans après, j'ai fait des débats dans les milieux étudiants. On m'a dit, comment se fait-il qu'un de vos dirigeants ait parlé d'un juif allemand, etc. C'est-à-dire que, et ça, c'est pas de l'innocence. Enfin, si on avait fait courir ce bruit, déjà, en soi, enfin, l'expression anarchiste allemand n'était pas très heureuse, mais l'expression juif allemand, elle aurait été absolument condamnable. Et jamais de la vie, le Parti communiste n'aurait toléré, enfin, un vocabulaire de ce genre. Comment voyez-vous l'évolution de ce mouvement qui a l'air de prendre un peu d'ampleur? Est-ce que vous pensez qu'il va atteindre les mêmes proportions qu'en Allemagne ou en Italie? Ça, c'est du prophétisme. Je ne suis pas prophète. S'il y a effectivement, comme beaucoup de gens semblent l'analyser, une crise aussi à l'université française, le mouvement va se développer. Alors, si vous voulez bien, parlons un peu de ces groupes d'intervention qui sont là à quelques mètres de nous, avec des manches de beige, dont certains sont casqués. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des morts dans l'université ? Non. Vous savez, vous faites comme si ça n'existait pas avant. Depuis la guerre d'Algérie, il y a le mouvement Occident et depuis, il y a la protection de tous les meetings à la Sorbonne par des groupes d'action. Et je me rappelle d'une attaque du mouvement Occident contre justement un meeting dans la cour de la Sorbonne. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est le mouvement Occident ? C'est un groupuscule fasciste qui s'énerve, qui rassemble quelques paras, etc. pour nous embêter. La dernière fois qu'ils sont intervenus, ils ont mis le feu dans les locaux des syndicats universitaires des lettres. Et comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris ça? Vous avez fait des représailles ou vous avez... On ne réagit pas par des représailles, où c'est le mouvement Occident a montré, si vous voulez, sa faiblesse en incendiant un local vide, c'est tout. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'ils veulent prendre à partie des militants chez eux. C'est ça, effectivement, le seul danger réel. Nous avons été, disons, extrêmement prudent, n'est-ce pas, être tolérant vis-à-vis des étudiants qui tiennent des meetings dans la cour de la Sorbonne. Recteur Roche. Tant qu'il s'agit de revendications d'ordre syndical ou de revendications pour l'enseignement, évidemment, nous ne prenons pas de dispositions particulières, n'est-ce pas. Mais depuis un certain temps, n'est-ce pas, l'agitation des étudiants a pris un caractère tout autre. On annonce de tous les côtés qu'on veut empêcher les examens. Alors évidemment, empêcher le libre exercice des cours, c'est déjà une chose intolérable, ça a eu lieu à Nanterre, nous en étions ici menacés très généreusement, mais alors du côté de l'exercice des examens, écoutez, il faut tout de même dire que nous avons 160 000 étudiants dans l'université de Paris et que les tenants de la doctrine disant qu'il ne faut plus passer d'examens sont très loin de représenter une fraction importante. 1% de 160 000, ça fait 1600. J'ai pas l'impression qu'on en trouverait 1600. Romain Goupil. Tout le monde est convoqué à la Sorbonne pour répondre aux attaques d'Occident au quartier latin. Il se trouve que devant ces 300-400 militants réunis dans la cour de la Sorbonne, le recteur prend peur et appelle la police. Beaucoup des lycéens qui n'étaient pas encore arrivés au rendez-vous voient l'ensemble de leurs dirigeants embarqués dans les cars de police et là, commencent à hurler, libérez-les, faites-les sortir, à cerner les cars de police et tout. Je crois qu'on a dû sortir dans une haie de policiers patriarcales casqués. Jacques Tarnero. Et puis que les gens étaient embarqués dans des gros cars, des vieux cars, mais que ça ne s'est pas passé d'une manière... Ça n'a pas été particulièrement violent. On se retrouve embarqué dans des paniers en salade, dans les paniers à salade, et gardés en particulier 3 au commissariat toute la nuit. Jacques Sauvageau. C'est ce jour-là, disons, un peu un basculement, au sens où ça va provoquer la généralisation du mouvement étudiant sur la généralisation et la radicalisation du mouvement étudiant dans l'ensemble des universités françaises. Thank you. dès le premier jour, c'est-à-dire le 3 mai, mais on a été étonnés de voir avec quelle violence les jeunes étudiants autour de la Sorbonne que nous venions de faire évacuer réagissaient, attaquaient la police tout de suite avec des pavés et des moyens très, très, très durs. Maurice Grimaud. Ceci nous a obligés à réfléchir à la tactique à adopter. Et j'avais, moi, une hantise personnelle, c'était de ne pas me retrouver dans les situations qu'avaient connues mes prédécesseurs jadis, soit le 6 février 34, n'est-ce pas, où l'on avait eu tout de même 14 morts, soit dans une opération fâcheuse et dramatique comme celle de Charonne, où on avait eu 9 morts, c'est-à-dire des situations dans lesquelles la police avait été débordée, un certain affolement s'était fait jour, et finalement on était arrivé soit au tir comme le 6 février, soit à des manœuvres maladroites, entraînant une panique à l'écrasement des manifestants comme à Charonne. Ma faculté, je veux dire celle que j'ai dirigée pendant 5 ans, est une de celles qui sont traditionnellement sensibles aux grands problèmes politiques, économiques et sociaux. Sur la guerre d'Algérie, sur le Vietnam, sur les grands problèmes du monde contemporain, vous pouvez agiter la faculté de droit et des sciences économiques. Vous l'agiterez difficilement sur la liberté sexuelle dans les cités universitaires ou sur la contestation globale d'une société que l'on veut démolir sans savoir par quoi la remplacer. Vous ne cédez que lorsque les étudiants vous y obligent. Monsieur Vedel, vous voulez répondre? Oh, moi, je suis désolé. J'ai eu l'an dernier, il y a 2 ans, des très violents incidents politiques à la faculté de droit. J'ai pénétré dans le grand hall où des groupes de manifestants étaient en train de se battre et j'ai confisqué les matraques comme un proviseur confisque les lance-pierres de ses élèves parce que, tout simplement, quoi qu'on dise, il y avait tout de même une certaine confiance. Le plus violent, c'est que j'étais là, non pas pour remplir un rôle politique ou quelconque, mais que j'étais le garant que la police ne pénétrerait pas dans l'université. À partir du moment où l'on admet qu'il n'y a plus d'autorité, de discipline librement consentie, eh ben, la police pénètre. Et les plus sûrs destructeurs des franchises universitaires sont précisément les gens qui n'acceptent pas cette règle du jeu. Oui, on peut vous faire le reproche à ce moment-là que vous considérez vos étudiants comme des lycéens et non comme des adultes. Je ne les considère pas comme des lycéens, je les considère comme des adultes. Je me suis toujours refusé de les traiter en enfants, mais c'est justement parce qu'ils ne sont pas des enfants qu'ils doivent être capables d'assurer une discipline dans leur propre maison. Alors, est-ce que la fermeture des facultés, la présence des cars de police, par exemple, ou l'échange de coups ne vont pas encourager les étudiants qui n'avaient pas l'intention de manifester, de se joindre à l'agitation? Certainement, nous sommes dans une escalade et je souscris entièrement à ce que vient de dire M. le doyen Vedel. Victor Capel. Tout professeur, tout universitaire, à quelques degrés qu'il soit, et ressent un coup au cœur quand il sait la police à l'intérieur des locaux. Car, comme il l'a fort bien dit, l'institution universitaire elle-même était basée sur la possibilité de la libre discussion et de la discipline librement consentie. Là-dessus vient le week-end et l'inculpation d'un certain nombre de militants, de dirigeants, notamment Daniel Cohn-Bendit, Pierre Rousset et quelques autres. Et le lundi, les organisations d'extrême-gauche, dont les dirigeants se sont réunis à l'école normale supérieure dès qu'ils ont été sortis de garde à vue, ces dirigeants avaient décidé une riposte le lundi et dès 10h du matin, se constituent des manifestations relativement importantes et surtout très violentes. La volonté d'en découdre avec les forces de l'ordre, la volonté de pousser vers l'épreuve de force est manifeste. C'est la stratégie des organisations d'extrême-gauche et elle correspond à l'impulsion, au désir profond d'une certaine base étudiante qui manifestement désirait en découdre. Donc le lundi, heure extrêmement violente qui surprennent la police, l'opinion publique, grosse émotion. Thank you. les pouvoirs publics, faut dire qu'en présence d'un phénomène aussi insolite et aussi... tous les responsables sont désemparés. René Raymond. Le Premier ministre est absent. Or, dans le système de la Ve République, le chef de l'État, surtout lorsque le chef de l'État est le général de Gaulle, le chef de l'État ne se mêle pas des histoires de manifestations dans Paris, pas plus que dans Nantes ou dans Lyon. C'est l'affaire du préfet en province, du préfet de police à Paris, du ministre de l'Intérieur au-dessus. C'est pas du tout l'affaire du chef de l'État. Il se trouve que M. Pompidou est parti le 3 et va rentrer le 11 en fin d'après-midi. C'est-à-dire que pendant 11 jours, il va être absent. Et ce sont les 11 jours qui ont vraiment compté, qui ont vu le développement des troubles et finalement dans lesquels il n'y a pas eu le personnage qui pouvait prendre les décisions essentielles. Bien sûr, il y avait un Premier ministre par intérim qui était M. Louis Jox, qui était un fidèle du général, qui avait toute une carrière derrière lui, tout à fait de grand baron du gaullisme. Mais M. Louis Jox, qui était garde des Sceaux, ne considérait pas qu'il avait toute l'autorité d'un véritable Premier ministre. Il assurait un intérim, et voilà qu'arrive une série d'événements dans lesquels il hésite à prendre lui-même des positions très fermes et très personnelles. Il est d'autant plus gêné que le général de Gaulle est là, à l'Élysée, et le général de Gaulle ne se manifeste pas non plus très, très nettement et très clairement, sauf le rappel classique, traditionnel, qu'il faut en finir avec ces désordres, qu'il faut remettre un peu d'ordre dans la rue et dans l'université, mais tout ça est un peu général. Si bien qu'en effet, cette absence de M. Pompidou a beaucoup pesé sur la suite des événements. Les pouvoirs publics se sont, je ne dirais pas affolés, mais alors, à partir de ce moment-là, ils vont flotter constamment entre... ou une fermeté sans complaisance qui conduit à une répression excessive, ou au contraire des concessions, et qu'ils ont toujours été ou en retard d'une mesure, et qu'ils ont finalement accumulé ou cumulé les inconvénients des deux stratégies. Quand mai commence, quand les bagarres avec les CRS commencent, je me souviens très bien, c'est peut-être le 6 mai, une immense bagarre contre les CRS devant l'église Saint-Germain-des-Prés, où j'étais persuadé que la police allait tirer. Pour moi, c'était une évidence que, vu ce que la police prenait sur la tête, ils ne pouvaient pas ne pas tirer. Pour la bonne raison que, pour beaucoup moins que ça, j'avais vu la police ou les gendarmes mobiles tirer en Algérie. La fusillade de la rue d'Isly contre des pieds noirs, ou bien comment on avait tiré sur des Arabes en Algérie. Et j'ai été très surpris qu'ils ne tirent pas. Je veux dire que ça a été une des premières interrogations sur pourquoi sommes-nous relativement épargnés. Je n'avais pas de réponse à l'époque, mais ça me surprenait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était quand même un peu dans le simulacre d'une guerre, mais on avait envie de jouer à la guerre. Mais en même temps, j'y participais à fond, hein. J'étais bien là-dedans, je me sentais bien. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là... Les manifestants refluent, tandis que autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire. À quel endroit du boulevard Saint-Germain vous trouvez-vous? Eh bien, je me trouve devant le Mabillon, exactement. Mais je fais très attention, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé, parce qu'on est obligé de courir, de faire attention aux pierres qui tombent de tous les côtés. Je vois là-bas, les CRS qui sont parvenus au contact. Et il y a des coups très très sévères qui sont déchargés, et une nouvelle fois les voitures font les frais de l'opération, car les voitures ont été mises au travers de la roue. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici, une scène d'une violence inouïe. Comment les étudiants gaz sont lâchés. Les gaz sont lâchés, ce ne sont plus des gaz lacrymogènes. Ce sont des gaz asphyxiants, ou du moins des gaz qui font tousser, et je suis obligé de revenir un petit peu en arrière, car c'est très difficile de tenir. Et ce sont maintenant les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger avec des voitures, lance, lançant de l'eau des lances de pompiers et les manifestants ne reculent pas. Vous entendez peut-être le bruit des bombes lacrymogènes. Je crois que... Bernard Valette et Jean-Claude Bourret, est-ce que vous êtes en mesure de me résumer ce qui s'est passé il y a trois quarts d'heure, une heure, oui, à Denfert-Rochereau? Écoutez, depuis le départ de Denfert-Rochereau, les étudiants ont descendu lentement le boulevard Raspail. Jusque-là, rien de grave, car il n'y avait absolument aucune force de l'ordre qui s'opposait à leur avance. Les choses se sont aggravées quand les étudiants, les manifestants, sont parvenus à proximité de la rue de Rennes et quand ils ont essayé de faire la jonction avec leurs camarades manifestants du quartier latin. Je suis actuellement dans la foule. Les CRS essayent de progresser avec leurs lances de pompiers, mais les manifestants viennent de contre-attaquer en poussant des voitures en direction des forces de l'ordre. Premier renseignement, c'est la puissance des mythes et le réveil des idéologies. On s'interrogeait il y a quelques années sur la mort des idéologies. On avait tendance à nous dire que la société d'aujourd'hui ne prêterait plus guère attention qu'à une analyse objective, scientifique et technique. Or, nous assistons à un prodigieux réveil de mythes. En second lieu, il y a une sorte de syncrétisme entre des thèmes qui sont au fond les utopies du XIXe siècle. Un socialisme pré-marxiste, dans une certaine mesure, un peu proche de Fourier, pas du tout technocratique. Beaucoup d'anarchisme, le tout teinté de révolutions culturelles chinoises. Il y a une protestation très, très forte chez ces enragés contre toutes les expériences de stalinisme. Ils sont aussi anticommunistes qu'ils sont anticapitalistes. Il me semble que ce qui réunit des éléments en définitive assez divisés entre eux, et je pense que leur division apparaîtrait du jour où ils marqueraient des succès, c'est une espèce de protestation globale contre la société, contre tout pouvoir et toute autorité. C'est au fond la protestation contre les règles. Et c'est ce qui rend si difficile de les intégrer dans une société comme l'université, c'est que, en fait, d'une part, ils ne cherchent guère le dialogue, ceux-là du moins, et par ailleurs, ils n'appliquent aucune règle. Lorsqu'on leur accorde, par exemple, une salle pour la liberté des débats, cette salle cesse de les intéresser. Et ce qu'il leur faut, c'est d'autres amphithéâtres. Il s'agit de marquer, en quelque sorte, une victoire dans une escalade. Si bien qu'il y a, à mon sens, une part d'illusion lorsqu'on se dit « il faut engager le dialogue avec eux ». Monsieur le professeur, ce ne sont sûrement pas des enfants, mais nous avons tous vécu, vous et moi, des événements vendredi et hier, qui ont été, que nous déplorons tous, mais qui ont été quand même particulièrement dramatiques. Il y a eu des affrontements extrêmement vifs, extrêmement violents, et j'estime qu'au quartier latin aujourd'hui, il est plus sage et plus raisonnable d'éviter ces rencontres. Monsieur le préfet de police, ce sont nos enfants. Oui, mon fils a manifesté hier, ce n'est pas une tête brûlée. C'est parce que la Sorbonne a été fermée, et cela la première fois dans son histoire. Oui, j'estime que mon fils a eu raison de manifester. Mais monsieur le professeur, encore une fois, ne nous... Non. Mais non, nous je prenons dis ça pas. Parce que c'est tellement simple. Ils veulent revenir dans leur quartier. Et je pense que, véritablement, la police montrerait un esprit vraiment très, comment dire, très ouvert, conciliant, si elle leur permettait de descendre le boulevard Saint-Michel. Le mardi, au contraire, journée de mobilisation de masse absolument pacifique et délibérément voulue comme telle. c'est la grande marche dans Paris. Un cortège de plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, et maintenant de plus en plus de lycéens, déambule sur 30 km dans Paris pendant 7 ou 8 heures, avec tous les slogans de mecs qui commencent à fleurir. Alain Gismard, 7 mai. L'UNEF et le SNESSUP rappellent, avant le Conseil des ministres, leur volonté d'aboutir à une négociation aux trois conditions solidaires que nous rappelons. L'amnistie générale à l'égard des militants comme des organisations, quelles qu'ils soient, syndicales bien sûr, le retrait de la police du périmètre universitaire, la levée du lock-out des universités. Si ce soir nous n'avons pas obtenu satisfaction, le gouvernement portera l'entière responsabilité de ce qui pourra se produire. J'ai pris toute disposition. Alain Perfitte. Pour que la réouverture de la Sorbonne et la réouverture de Nanterre aient lieu dès que les doyens estimeront que les conditions normales de cette réouverture sont réunies, c'est-à-dire, j'espère, demain après-midi. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ce que je dirai quand même, c'est que si l'ordre est rétabli, tout est possible. Si l'ordre n'est pas rétabli, rien n'est possible. Nous, la CGT, à ce moment-là aussi la CFDT, et en particulier personnellement Eugène Descamps, Georges Segui, nous voulions vraiment surmonter toutes les difficultés et aller jusqu'au bout de toutes les possibilités qui existaient encore de sauvegarder cette entente, ces convergences entre le mouvement étudiant et le mouvement des travailleurs. Voilà pourquoi nous étions allés au siège de l'UNEF pour proposer de discuter ensemble d'une manifestation commune des travailleurs et des étudiants en réaction aux brutalités policières qui commençaient à prendre une certaine dimension inquiétante. Et nous avons été très mal reçus, nous n'avons rien pu conclure finalement, sinon que nous avons pu ramener comme information à nos bureaux confédéraux respectifs que le responsable à cette époque du SNESSUP, qui s'appelait Gismard, nous avait annoncé solennellement qu'il avait décidé de se laisser pousser la barbe jusqu'à la fin des manifestations et jusqu'à la victoire totale. Nous ne pensions pas, nous, militants ouvriers, qu'une telle pratique, une telle tactique d'action pouvait être de nature à impressionner les forces face à laquelle nous menions cette lutte. En fait, c'est pour le côté un peu amusant, mais ça a donné aussi l'aspect dérisoire de certaines conceptions face auxquelles nous nous trouvions à ce moment-là. Sur des mecs qui préparaient des réformes depuis 6 mois. Le mercredi, remobilisation. La plupart des universités commencent à débrayer et un grand nombre de lycées également. Mais là, ça se passe plutôt sous la forme de sit-in et de discussion. Et ainsi de suite, jusqu'au vendredi, où une ultime manifestation, c'était des manifestations véritablement quotidiennes, est appelé à Denfert-Rochereau dans l'après-midi. Et alors là, c'est vraiment la manifestation de loin la plus nombreuse. Et il y a chez les manifestants, de plus en plus jeunes d'ailleurs, une volonté, cette fois-ci, de l'emporter et de ne pas se disperser avant d'avoir obtenu satisfaction. Donc cette manifestation fait un parcours relativement long et se retrouve au Quartier Latin, remonte vers la Sorbonne, occupée par la police. Fermée et occupée par la police. Cette masse de manifestants est rigoureusement indispersable. Aucun leader ne peut prendre la parole en appelant ces jeunes gens à rentrer chez eux. Ils ne seraient tout simplement pas suivis. Alors, on applique la fameuse formule, nous sommes leur chef, donc suivons-les. Et il y a une véritable volonté de cette foule d'en finir. L'organisation d'une manifestation, en règle générale, on se retrouvait au siège de l'UNEF. Alain Krivine. Les principaux responsables des syndicats, des organisations politiques. Moi, j'y étais parce que je représentais les JCR, hein, je ne représentais pas les syndicats. Et puis, il n'y avait jamais de grandes discussions politiques. Hein. Sur le fond, on essayait d'envisager où on allait aller chaque jour. Puisque chaque jour, c'était devenu la routine. Les étudiants, sans consigne, se rassemblaient à 17h à Denfert-Rochereau pour savoir où on allait aller. Quoi. Donc c'était le rendez-vous habituel. Hein. Maintenant, il faut dire que très souvent, les décisions prises, elles étaient complètement chamboulées sur le terrain. L'ensemble des organisations appellent à une énorme manifestation de protestation le 10 mai dans Paris. Il se trouve que la mobilisation lycéenne va être complètement autonome. Enfin, on va se rallier uniquement tous à Denfert-Rochereau. Mais il se trouve que les arrêts des cours étaient effectifs depuis 2-3 jours. Donc, on a pris la parole dans les lycées où les cours étaient déjà arrêtés, où il y avait déjà ces réunions et ces discussions. Et là, on va décider ensemble dans ces 5-6 lycées, qu'il y a 5 gros lycées sur Paris où ça se passe. Et là, la décision est prise d'aller mettre les autres lycées en grève. Il va pas se passer quelque chose de fantastique le 10 mai dans Paris, c'est que des petits cortèges, on part à 300-400 d'un lycée, on va chercher les 2-3 lycées qu'il y a autour. Et des 2-3 lycées où les cours ont encore lieu, on appelle à la solidarité avec les camarades étudiants. Et du coup, c'est 300 plus 300 plus 300 plus 300, des cortèges qui commencent à tourner dans Paris, puisque ça se passait systématiquement dans tous les coins de la capitale, de 2000, 3000 lycéens, tout jeunes, de 14 ans à 17 ans, qui vont commencer à se trimballer dans la rue, à expliquer, à lancer des tracts, à discuter avec les gens et à se retrouver de lycée en lycée. Quand arrive de la Bastille, tout ce nation qui converge aussi, alors là, c'est une explosion incroyable de joie à voir qu'on ait des milliers et des milliers de lycéens. Et ça, on le voit très bien, qu'on arrive beaucoup plus tôt que les étudiants, beaucoup plus tôt que tout le monde, à Denfert-Rochereau, où il n'y a que les lycéens. L'idée était de tourner autour de la Sorbonne jusqu'à temps que la Sorbonne tombe, genre Jéricho comme idée. À 18h30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer-Rochereau. Aux étudiants se sont joints des lycéens. À Denfer, un mot d'ordre a été lancé. Occupez le quartier latin. Cette journée-là a été la journée des lycéens. Le fait nouveau, c'est que c'était plus simplement les étudiants que nous avions connus depuis le 3, mais que c'était cette fois-ci la journée des lycéens et des collégiens, à travers ce qu'on appelait les CAL, les comités d'action lycéens, qui avaient commencé à défiler, à se répandre dans Paris toute la matinée, à aller faire du porte-à-porte pour débaucher les différents lycées, si bien que s'était retrouvé un nombre considérable de jeunes de 14, 15 ans et même plus jeunes, d'abord à Denfert-Rochereau, autour du Lyon, qui était le point de rassemblement, et ensuite ils se retrouvaient au quartier latin. Et quand j'étais allé en fin de journée voir un peu, comme je faisais d'habitude, voir un peu à quoi tout ça ressemblait, j'avais été frappé par le grand nombre de jeunes, de très jeunes qui étaient là, et j'étais tout de même en grand souci, et les chefs de police qui étaient sur place partageaient mon souci, d'avoir à un moment à ordonner des opérations de dégagement face à de si jeunes manifestants. Les fleurs de Java, taillez-la! On voudra la paix! La Sorbonne aux étudiants! Les guitares, les fleurs de Java, viens danser! Voulez-vous... Mais c'est une foule juvénile, énergique, exubérante. La passivité lui pèse assez rapidement. Et au bout d'une heure ou deux, on commence à entendre des bruits métalliques bizarres. Et on s'aperçoit que, encore une fois très spontanément, des étudiants, des lycéens, se sont emparés des espèces de grilles qui enserrent les pieds des arbres, les troncs des arbres, les ont décelés et en ont fait des pioches et sont en train de dépaver. Alors l'idée plaît, se répand comme une traînée de poudre, tout le monde s'y met et on se serait cru sur un des grands barrages chinois qu'on pouvait voir dans les films en honneur de la grande révolution culturelle prolétarienne, c'est-à-dire des dizaines de milliers de jeunes qui édifient des murs, des barricades, en dépavant, se passant les pavés, en faisant des énormes chaînes. Plusieurs dizaines de barricades s'élèvent tout autour du quartier latin, sur la montagne Sainte-Geneviève, souvent en dépit du bon sens sur le plan stratégique. Certaines barres, même des impasses, mais rapidement s'élèvent à 1,50 m, 2 m, 3 m de haut. Enfin, le quartier latin se couvre de barricades. Nous savions que la nuit allait être difficile. Bernard Tricot. Et j'avais décidé d'aller la passer non plus loin à l'Élysée, mais auprès du ministre de l'Intérieur, Christian Fouché. D'accord avec lui, j'ai laissé l'Élysée. Je me suis installé dans son bureau où était, ou en tout cas venait souvent, un ou plusieurs collaborateurs de M. Louis Jox, qui était Premier ministre par intérim et qui, lui, était resté à Matignon. Entre les gens qui sont sur place, sur le terrain, et puis ceux qui sont plus loin, qui n'ont pas la vue directe des choses, il y a des risques d'incompréhension considérables. Et que, quelles que soient les liaisons téléphoniques, radio ou autres, un ministre qui est à 2 ou 3 kilomètres des événements est un ministre qui a le plus grand mal à juger la situation. Je crois que nous ressentions très nettement place Beauvau, que lorsque le ministre disait « Bon, eh bien maintenant, il faut que les CRS dégagent les barricades, il faut qu'ils avancent », eh bien, l'ordre était un peu donné dans le brouillard. Monsieur Guesmard, je suis tout prêt, personnellement... Recteur Chalin. ...à me rendre à l'endroit où vous trouvez actuellement... Oui. ...afin d'avoir une conversation avec vous. Est-ce que cela est possible ? Cela est possible, certainement, mais le problème est le suivant. Il y a un point sur lequel personne ne peut transiger. Et quand nous avons annoncé au début de la manifestation depuis le Lion de Belfort à tous les gens qui étaient rassemblés qu'on était prêts à nous donner les deux derniers, mais que sur l'amnistie il n'y avait pas de déclaration, la réponse des manifestants a été dans un cri unanime « Libérons nos camarades ». Alors si là-dessus il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas la peine que vous vous dérangiez, monsieur le recteur. Nous n'avons pas engagé de négociation avec monsieur le recteur. Daniel Cohl-Bendit. Ce que nous avons fait est une chose très simple. Nous sommes montés, nous lui avons dit ce qui se passait dans la rue. Nous lui avons dit qu'aujourd'hui dans la rue, il n'y avait pas seulement des étudiants en colère parce qu'on avait fermé la Sorbonne, mais qu'il y avait des étudiants, qu'il y avait des jeunes travailleurs, qu'il y avait des jeunes chômeurs qui nous demandaient « Qu'est-ce que vous allez faire des jeunes travailleurs ?» Aujourd'hui, toute une haine contre une certaine société ressort de la jeunesse qui est dehors dans la rue et qui font des barricades. Pour éviter toute effusion de sang, pour éviter qu'il n'y ait pas des morts ce soir, nous avons mis monsieur le recteur pour qu'il transmette à qui que ce soit les gens devant leurs responsabilités. Il fallait pour nous et il faut que la police quitte le quartier latin avant que quoi que ce soit puisse arriver. Ceci est notre opinion et pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit, que monsieur le recteur demande à qui s'occupe de l'affaire maintenant en France, que la police quitte le quartier latin, alors toute effusion de sort, tout mort pourra être évité. Que vous avez répondu, monsieur le recteur? Monsieur le recteur a dit qu'il allait faire transmettre ce que nous avons dit. Ce n'est qu'à 2h du matin, ou 2h15, je crois, que le ministre de l'Intérieur, que j'avais rappelé ou appelé à plusieurs reprises, me donne le feu vert pour qu'on engage les opérations de dégagement de toutes ces rues autour autour du Panthéon, autour de la Sorbonne, en fait, de l'ensemble du quartier latin, qui furent des opérations très dures, très violentes, très spectaculaires, dont on se demande d'ailleurs encore maintenant comment elles se sont terminées sans mort d'homme, étant donné le paroxysme de violence qu'elles ont connu. J'ai été battu dans mon organisation, parce que je fais partie des gens qui voulaient qu'on y aille, et puis alors je me suis fait retourner par Robert Linard, parce que moi j'étais à l'UJCML, organisation célèbre qui avait inventé qu'il s'agissait d'un complot petit bourgeois. Roland Castro. Donc je me suis fait retourner par mon organisation et interdit de barricade. À l'issue de quoi, j'ai donc passé la soirée dans un restaurant chinois. Et puis après, je suis quand même allé voir, parce que c'était trop insupportable. Voilà. Pavés, on s'en visait, ils ne le peuvent pas, mais à travers ce mur de fumée et de chlore qui nous entoure maintenant. Avancez, dit-on, je crois que l'affrontement maintenant risque d'être inévitable. Je vous rappellerai dès que je le pourrai. Les grenades lacrymogènes et les grenades à gaz sont multiples maintenant, les étudiants tentent de les renvoyer. Le vent rabat sur nous un véritable mur de fumée. Une grenade roule à côté de moi. C'est maintenant l'affrontement au contact. Et je vous affirme que l'affaire est chaude et sérieuse. Mais que s'est-il passé alors qu'il y a 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure seulement, c'était le voisinage bon enfant. Une gerbe de flammes, une grenade qui éclate, les pavés qui répondent. Ça y est, je crois que nous allons connaître encore une nuit. Terriblement dur, terriblement agité au quartier latin. Alors je le répète qu'il y a simplement un quart d'heure, une demi-heure, tout semblait devoir se passer dans les meilleures traditions, j'allais presque dire des bonhommes étudiants. Que je pense que ça peut avoir un effet à longue échéance, justement. Et c'est au cours des diverses manifestations qui ont eu lieu et de celles qui vont se poursuivre qu'on pourra avoir un résultat, parce que sinon, c'est pas la peine. Évidemment, quand on raisonne, même à froid, on se dit « oui, je risque de recevoir un coup de matraque, d'être assommé, d'avoir un œil crevé », mais quand on est dedans, c'est pas tout pareil. La nuit du 10 au 11 mai, j'ai zoné dans le quartier pendant assez longtemps, et en groupe avec des copains, et puis on s'est ancré, si j'ose dire, calé devant la barricade de la rue Tournefort, et qui est donc une rue étroite. On entendait il y avait un bruit de grenades épouvantable, et ça a duré très longtemps. La barricade de la rue Tournefort, probablement parce que les lieux étaient étroits, a tenu très longtemps. Et la première barricade, on a dû abandonner la première barricade dans une bousculade. Je croyais que j'allais me faire avoir par la police, là, ou me faire écrabouiller par ceux qui s'enfuyaient. Et on a tenu la deuxième barricade, et c'est au lever du jour, je crois, qu'on l'a abandonnée pour aller dans des chambres de gens qui étaient à l'école normale SUP, où on s'est réfugié là-dedans, dans un état d'épuisement très grand. Comme image, comme scène, je me souviens aussi d'un couple qui apparaissait comme deux copains dentaires, mais un garçon et une fille qui semblaient avoir eu un coup de foudre là, à ce moment-là, et qui était comme étant totalement absent de la violence environnante, des pavés qui tombaient ou des grenades qui tombaient, je sais pas quoi, et qui était tendrement enlacé, assis par terre, sur le trottoir, et qui était totalement indifférent à cet univers de violence. Il y avait quelque chose de complètement surréaliste dans cette scène, qui était très belle, qui était très belle. Il y avait aussi, comment dire, cette espèce d'exaltation de la barricade. Je me souviens, j'ai oublié les noms, de type montant sur des voitures qui haranguaient, qui étaient une espèce de le tableau de la croix. Enfin, des trucs très, très étonnants, très, très beaux, très beaux. Comment dire, bien que ce soit très violent, j'ai l'impression que les gens, c'était pour beaucoup la première expérience de violence collective et qu'elle n'était pas vécue comme quelque chose qui pouvait faire mal, voilà, qui pouvait faire mal pour, à soi et aux autres. C'était violent sans avoir l'intention de faire du mal. Je sais pas, c'est peut-être paradoxal, mais je crois que c'est ça. Il y a effectivement cette nuit-là un sentiment de fête collective, de grande exaltation, mais aussi, on dirait que le temps est suspendu, qu'il y a un moment de grand bonheur. Alors je ne sais pas quel compte on règle ou qu'est-ce qui est investi là-dedans, mais on dirait qu'on s'affranchissait du temps. Mais Paris, mais Paris. Mais Paris, mais Paris. Il semble que le moindre incident pourrait vraiment maintenant dégénérer. Grenade lacrymogène juste devant les grilles du bac de Luxembourg. Grenade également lacrymogène du côté. Oui. Grenade lacrymogène donc rue Gay-Lussac. Les gardes mobiles, les CRS arriveraient, dit-on, et progresseraient vers les barricades de la rue Gay-Lussac en venant de Port-Royal. Les yeux piquent, c'est maintenant l'affolement et. Tout le monde crie aux barricades et entre dans l'espace qui sépare précisément ces deux barricades, et bien maintenant le vide se fait, tout le monde monte aux barricades armé de pavés, les mouchoirs se mettent sur le nez et la tension a d'un seul coup monté. Elle a monté au moment précisément où je voulais demander à des leaders étudiants, à des porte-paroles, ce qu'ils pensaient des déclarations de Daniel Cohn-Bendit. Il exprime exactement l'opinion de tout le monde ici. Il est évident que nous ne reculerons pas devant le gouvernement et nous restons ici jusqu'à temps que le gouvernement cède sur les trois points de l'UNEF. Les trois points, rappelez-les. Alors les trois points, c'est premièrement la libération de nos camarades qui sont en prison, deuxièmement la Sorbonne aux étudiants et troisièmement l'évacuation des forces de police au quartier latin. Les étudiants scandent des mots d'ordre. Eh bien, vous l'entendez, les étudiants scandent De Gaulle assassin. Je vous rends l'antenne. À tout à l'heure. Maintenant, il est 2h35 de la nuit. Brusquement, la lumière s'éteint sur le boulevard Saint-Michel. Par le boulevard Saint-Michel. Jacques Rémy. Il va me falloir toute la nuit pour parvenir à à rejoindre la rue Gay-Lussac, et je ne rejoins en fait qu'au moment où les flics ont pris d'assaut et sont en train de taper dans tous les sens, un petit peu de faire une ratonnade dans le quartier. Et bon, à ce moment-là, je me dis, c'est pas possible, ils sont en train de se faire casser la gueule, faut que j'y aille. Mais c'est sur ce thème-là que j'y vais, c'est pas sur le thème de la participation directe, c'est le thème de la solidarité, parce qu'il faut bien que j'y aille, hein. Et bon, après ça, je me retrouve, je fais l'infirmier, il y avait des gens qui récupéraient des blessés en se mettant, après s'être mis une croix rouge sur le ventre, j'ai fait la même chose. Et puis après, bon, ça devenait très dur, même pour ces gens-là. On se faisait matraquer un peu. Bon, je me suis retrouvé à Ulm avec les derniers groupes de la nuit. Mais ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'elle m'a fait comprendre combien, pour un certain nombre de gens qui avaient participé à d'autres mouvements, qui étaient liés au mouvement étudiant, combien cette nuit, en fait, a été difficile, parce que il fallait ou y être dès le début, ou il était très difficile de rentrer dans le mouvement. Et c'est, tout le mouvement est comme ça. Hein. Ça a été, par exemple, je crois, le problème de Goldman, qui n'est pas rentré, qui était à Paris à l'époque, hein, mais qui restait tout à fait en dehors, parce qu'il n'a pas su y rentrer. Et je crois que c'est cette nuit qui est l'instant clé de mai, symbolise aussi un peu la relation à mai de beaucoup de gens. Et par exemple, bon, on a Régis Debray qui, loin, bon, lui, empêché, étant à Camiri, en prison, etc., mais qui a mis tant d'années à saisir la nature de ce mouvement. Je pense que c'est les formes d'action étaient tellement neuves, pour moi, à la radio, quand j'entendais expliquer comment se faisaient les barricades, etc., c'était sur le plan technique, sur le plan du service d'ordre, la façon dont les barricades étaient construites, d'ailleurs je l'ai vérifié après, était parfaitement irrationnelle. Mais ce n'était pas une stratégie de la barricade qu'il s'agissait de faire, c'était une stratégie de la manifestation, au sens fort du terme, c'est-à-dire de montrer son désaccord, montrer avec une barricade, montrer physiquement qu'il y avait insurrection, en quelque sorte. Et ce n'était pas du tout le problème de savoir si on allait pouvoir la tenir ou non. Je viens de transporter à un poste de police un étudiant qui avait une main arrachée. C'est une information. Un poste de police, de secours, oui. C'est une information, je ne peux pas la vérifier, mais le garçon était vraiment. Était vraiment bouleversé. Et puis, alors que les grenades continuent à éclater, vous les entendez, vous ne pouvez pas ne pas les entendre, il y a une civière qui vient de passer à côté avec un garçon vraiment très durement touché. Ce qui se passe ici, eh bien, c'est effectivement très grave. Il faut à tout prix que les choses s'arrêtent. Il faut à tout prix qu'on trouve le moyen de faire cesser ces bagarres qui maintenant deviennent vraiment très dures, très dures, très âpres et très sauvages. Énormément d'agitation. Les étudiants mouillent le pavé afin d'éviter que les gaz remontent trop. Tout le monde pleure. Il y a ici une grande tristesse et aussi une grande colère. Autre point chaud de ce quadrilatère de défense, je me trouve actuellement à l'angle de la rue de l'Estrapade et de la rue Thouin. Les explosions se succèdent et, une fois de plus, il faut bien le dire, les grenades que nous recevons, que les étudiants reçoivent et qu'ils essayent de renvoyer sur les membres du service d'ordre, ne sont pas des grenades lacrymogènes. Ça pique horriblement des yeux et les muqueuses, et de toutes les fenêtres maintenant, au cri de Parisiens de l'eau, eh bien les Parisiens jettent des seaux d'eau sur la chaussée pour éviter que les gaz ne flottent, ne restent pas trop en l'air. Les grenades tombent en passant même par-dessus les pâtés de maison, elles sont donc lancées avec des lance-grenades, la confusion est extrême, et sur la barricade de la rue Thouin, eh bien les combats font maintenant rage. Les choses se gâtent. Les CRS sont en train de charger et d'essayer de dégager une des barricades. Ils viennent de lancer de nombreuses grenades lacrymogènes. C'est la charge. Et bien sûr, les étudiants ripostent en renvoyant des pavés. De nouveau, eh bien, c'est la scène maintenant devenue classique. Ce sont les gaz, c'est le flux et c'est le reflux. Ce sont également les blessés que l'on transporte. Pour l'instant, d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Tout à l'heure, les étudiants ont chanté l'international. C'est un cocktail Molotov que l'on vient de jeter maintenant sur la surface, sur la façade d'une maison. Et il y a une fenêtre du rez-de-chaussée qui est mordue par les flamèches. Les étudiants convergent maintenant. Ils vont essayer d'éteindre ce feu. Un deuxième cocktail Molotov a été jeté. Je me trouve à peu près à une trentaine de mètres. Et C'est vraiment maintenant un début d'incendie sérieux. C'est maintenant la tactique employée par les étudiants dans ce coin du réduit. Chaque fois que les policiers se rapprochent de trop, eh bien, on utilise un cocktail Molotov pour mettre le feu aux barricades. Et cela, bien sûr, permet de gagner quelques temps et de reconsolider sa position. Plus rien ne compte, plus rien ne compte, sinon le fait qu'on est dehors tout le temps, qu'on est fraternellement dehors tout le temps, qu'il n'y a plus aucune pesanteur, plus aucune obligation. Il faut dire qu'on est étudiant et qu'on n'a pas de contraintes financières, familiales, sinon aller toucher la bourse ou je sais pas quoi. On est en dehors de toute nécessité, de toute obligation. Il y a une espèce de fraternité totale qui fait que l'air est effectivement beaucoup plus léger. On s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup, peut-être qu'on joue à la guerre. On joue à la guerre. Je me souviens d'une conversation téléphonique avec Georges Pompidou. Michel Jobert. Il était parti en Afghanistan en voyage officiel. Il aurait dû rentrer d'ailleurs, mais le général ne voulait pas que le Premier ministre rentre parce que c'était dire qu'il savait de l'importance. Et en plus, il considérait que quand on faisait une visite officielle, on la faisait, on ne l'interrompait pas. Par conséquent, le Premier ministre n'avait pas à rentrer précipitamment. Puis il y avait probablement chez le général in petto, il devait ajouter, et moi-même je suis là. J'avais, moi, alerté Georges Pompidou et je lui dis, vous savez, il y a toute une partie de votre voyage en Afghanistan qui est un voyage passionnant de découvertes archéologiques, mais il faut rentrer. Et il m'avait dit, mais j'ai demain une conférence de presse, mais je lui dis, faites-la ce soir. Où votre conférence de presse est prévue pour 15 heures, faites-la demain matin. Pensez, la conférence de presse à Kaboul, du Premier ministre français. Et il y a des moments où nous n'avons pas le sens du relatif. Mais j'ajouterai maintenant du ridicule. Et je lui dis, il faut rentrer. Et il m'a dit, mais est-ce si grave que ça? Et je lui ai répondu, plus que vous ne l'imaginez. C'était Chronique de mai, une série de Dominique Chagnelot. Aujourd'hui, deuxième émission de Nanterre à la Sorbonne. Groupe de réalisation, Anna Sibert, Arlette Adrian, Claude Niort. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cette émission, la deuxième d'une série de 7, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 août 1988. Prochaine émission, Étudiants et ouvriers, du 13 au 18 mai. Les années 60, une émission de Philippe Garbi, réalisation Virginie Mourté. À suivre, et d'ici là, à télécharger, ainsi que les précédentes de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.